aucun réconfort. Savoir comment tout cela allait finir. Depuis le début, ce qu'il était possible d'espérer, de voir perdre nos souvenirs, ne plus penser. Voir comment tout cela allait finir. On ne voulait surtout pas mourir. Nous n'avions jamais été là, et l'on savait très bien pourquoi. Nous nous sommes toujours vus morts depuis le début, et rien en dehors. Nous nous sommes toujours vus morts depuis le début. Thank you.